Patchwork du précis du siècle de Louis XV, dont nous a parlé James Hanrahan, si une partie particulière mérite... Si vous n'appelez pas, faites signe. ...mérite la désignation de précis, c'est celle sur la guerre de 7 ans. Et c'est sur cette partie composée en 1764 que je voudrais me concentrer dans cette intervention. Dans l'édition de 64, il s'agit encore de l'essai sur l'histoire générale. Comme James nous a dit, le titre précis du siècle de Louis XV n'est pas utilisé comme dans l'édition de 68. Voltaire s'en tient dans cette édition de 64 à son principe original pour l'histoire générale, c'est-à-dire d'une histoire depuis Charlemagne jusqu'à nos jours. Nous pouvons donc nous poser la question, comment Voltaire y parvient-il ou non à concilier ses propres intérêts et ses relations privées avec ses devoirs d'historien dans un récit historique où il n'est plus seulement historien, mais spectateur et critique de salon, et dont il avait déjà traité certains aspects comme conteur dans Candide. Si dans Candide, Voltaire accentue la guerre de 7 ans comme une guerre proprement mondiale, centrée sur la rivalité commerciale entre la France et l'Angleterre, il minimise cet aspect dans le précis, où il n'accorde que 5 chapitres à cette guerre, en comparaison, comme nous avons sur les tableaux, avec les 25 consacrés à la guerre de 41 remaniée. Ces 5 chapitres consistaient en un premier qui commence avec le tremblement de terre de Lisbonne, vu comme précurseur de tous les malheurs à venir, puis s'arrête brièvement en Suède, avant de passer au renversement des alliances en 1755 et le début de la guerre avec la bataille de Minogue. 2 chapitres font le reportage de la guerre en Europe, dont 1,5 concerne l'année 57. 4e chapitre est consacré aux effets dans l'Inde et le dernier concentre sur les malheurs de la France et la paix de Paris de 1763. Voltaire admet lui-même qu'il ne donne plus qu'un sommaire des événements pour expliquer peut-être la couverture si inégale entre cette guerre et celle de 41. La correspondance de Voltaire montre qu'à quelle époque il suivit de près le déroulement de la guerre en Europe. Il n'était pas question d'une manque de sources détaillées. À part les pamphlets publiés régulièrement de toutes parts et les nouvelles de vive voix qui lui étaient certainement communiquées, Voltaire avait à sa disposition 2 sources importantes et complémentaires. D'abord, le journal encyclopédique qui présente à chaque quinzaine les nouvelles les plus récentes, puis les longs articles de Edmund Burke, publié dans le Annual Register, ouvrage anglais bien connu par Voltaire, qui, en vertu d'une publication annuelle, fournissait les récits les plus cohérents. Il semble que Voltaire se sent libre de choisir ce qui l'intéresse. Et depuis 1752, il n'est plus historiographe du roi. Nous, l'obligation de présenter un reportage complet ne s'impose. Comme Diego Venturino nous a dit, Voltaire aime parler en termes de héros. Louis XIV, Charles XII, Pierre le Grand. Le précis lui pose problème de ce point de vue. Et la guerre de 7 ans ne fournissant pas l'occasion d'un poème de Fontenoy ni d'un panégyrique, Louis XV n'y apparaît nulle part comme héros. Presque nulle part partout. La seule référence au roi de France est lorsque, pour encourager les autres à contribuer à l'effort de guerre, il envoie sa vaisselle à la monnaie. Auprès de ses correspondants à Paris, par contre, Voltaire s'inquiète continuellement que ses remarques indiscrètes ne parviennent aux oreilles du roi ou à celles de Madame de Pompadour, qui méprise ses relations avec Frédéric II. Mais dans le précis, nous avons seulement le lugubre chapitre 35 qui raconte les pertes de la France. À titre de remplaçant comme héros, Voltaire en avait deux. D'abord, Frédéric II de Prusse, éventuel vainqueur de la guerre, comme il était vainqueur de la guerre de 41, mais ennemi de la France, et dont les relations avec Voltaire restaient froides depuis les années 50. Et aussi le maréchal duc de Richelieu, son ami depuis la jeunesse. Dans la guerre de 41, Richelieu avait combattu avec distinction à Fontenoy, et en levant le siège de Gênes, qui lui a valu en 1748 son titre de maréchal, une statue à Gênes et une épître en vers par Voltaire. Quand Richelieu est parti pour la Méditerranée en avril 56, Voltaire lui avait demandé de tenir un journal et de le lui envoyer dès son retour. Autant que nous sachions, Voltaire ne fit jamais de la sorte. Et c'est Richelieu qui, d'après Voltaire, était le véritable héros de la prise de Minorque. Mais si l'importance que Voltaire accorde à Richelieu dans son reportage de la guerre de Sedan, de cet an, peut s'étonner, une lettre qu'il lui écrit après la prise de Minorque l'explique. « Je meurs de douleur de ne pas venir vous contempler tout rayonnant de gloire. » Je me dépique en vous ferant dans une grande diable d'histoire universelle que j'ai commencée par Charlemagne et que je finis par vous. J'ai pris l'expédition de Port-Mahon, c'est-à-dire de Minorque, comme ma dernière époque. Détail très intéressant en ce qui concerne la fabrication de notre patchwork et les intentions de Voltaire pour son histoire générale. Car il montre qu'en 56, il ne perçoit pas la bataille de Minorque comme inscrite dans un contexte plus large. Voltaire prend un grand intérêt aux succès et aux échecs de ses deux protagonistes, Frédéric et Richelieu. Et la guerre, une fois terminée, il écrit leur histoire. Frédéric, lui aussi, a écrit sa propre histoire de la guerre de 7 ans, avec une préface signée en 64, mais publiée seulement après sa mort. Source importante pour notre annotation du précis, mais non admissible ici. Les mémoires de Richelieu étaient aussi posthumes et en grande partie non authentiques. Mais heureusement, nous avons aussi de lui sa correspondance avec le comte d'Argenson lors de ses campagnes. La correspondance entre Voltaire et Frédéric n'avait pas été reprise depuis l'affaire de Francfort. Voltaire restait blessé et comme nous le verrons, ses lettres révèlent une certaine schadenfreude et un esprit de vengeance. Lorsque Frédéric a envahi la Saxe en août 1756 et que l'Europe est placée sur un pied de guerre, il n'échange aucune lettre avec Voltaire. En juillet 57, Voltaire rompt la glace en envoyant à Frédéric par sa sœur Wilhelmine, margrave de Bayreuth, un exemplaire de la nouvelle édition de l'Essai sur les mœurs. Wilhelmine le remit à son frère en disant « Il me paraît que tandis que toute l'Europe est en guerre, Voltaire serait charmé de faire la paix avec vous. » Frédéric dit à sa sœur qu'il était surpris de recevoir une lettre de Voltaire que l'on avait dit mort. Il répondit à Voltaire par la main de l'abbé de Prades. Puis plus rien pendant 9 mois. Et lorsque la correspondance reprend, c'est encore pour l'intermédiaire de Wilhelmine. Les événements de l'été 57, qui occupent tant d'espace dans le précis, vont de mal en pis pour Frédéric. En juin, son armée était vaincue de façon désastreuse lors de la bataille de Kolin, près de Prague. Cette défaite brise la renommée de Frédéric de surhomme militaire. Voltaire ne peut s'empêcher à jubiler. Si les choses continuent du même train, écrit-il à D'Alembert, je compte faire une pension au roi de Prusse. Suite une autre défaite des troupes de Frédéric par l'armée russe, puis celle de ses alliés anglais par l'armée française sous le maréchal d'Estrées. Les ennemis de Frédéric triomphaient au nord, au sud et à l'est. Il doit à présent faire face à une seconde aile de l'armée française commandée par le prince de Soubise. À ce moment critique, Frédéric envoie par l'entremise de Bellarmine une lettre désespérée à Voltaire où il parle de son intention de se tuer. Il faut combattre pour sa patrie et périr pour elle si on la peut sauver. Si on ne le peut pas, il est honteux de lui survivre. Il faut, si le poison manque, que le fer réussisse. Et il clôt avec une citation de Mérope. Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir. Que faire Voltaire avec une telle lettre? Rien pour quelques semaines. À D'Alembert, il dit que Frédéric m'écrit une lettre héroïque et douloureuse. J'aurais été attendri si je n'avais songé à l'aventure de ma nièce à Francfort et à ses quatre baïonnettes. Sa réponse éventuelle à Frédéric est philosophique et même chaleureuse. Si la fortune vous abandonne entièrement, si votre courage dans ces circonstances s'emportait à une extrémité héroïque honorée dans les siècles passés, cette résolution ne serait pas approuvée aujourd'hui. Vos partisans la condamneraient et vos ennemis en triompheraient. En vérité, il ne faudrait pas donner aux lâches ennemis du genre humain le plaisir d'insulter à un nom couvert de gloire. Ailleurs, pourtant, Voltaire met le paquet sur les malheurs de Frédéric. Dans le précis, il écrit que Frédéric n'envisagea plus qu'une mort glorieuse. Il fit une espèce de testament philosophique et telle était la liberté de son esprit au milieu de ses malheurs qu'il écrivit en vers français. Et puis, une phrase de type journalistique. Cette anecdote est unique. La formule fait croire qu'il est question de vers aussi profonds que bien tournés, dont Voltaire est seul privilégié à en avoir connaissance. Et il faut poser la question si Voltaire tenait à démontrer dans le précis la faiblesse du roi suicidaire ou sa maîtrise en vers français. En fait, les vers de Frédéric sont plutôt banals que profonds et ont été adressés en premier lieu au marquis d'Argens et non à Voltaire. Rien n'oblige en effet à prendre ce testament en vers avec grand sérieux. Mais Voltaire en cite la grande plupart dans ses mémoires de Monsieur de Voltaire, écrits par lui-même, composés en 1759. Et dans sa correspondance, il ne peut s'empêcher d'en parler à tout le monde. Une citation de cet testament, « Quand je suis voisin d'un ouvrage, je dois en affrontant l'orage penser, vivre et mourir en roi » est répétée par Voltaire à quatre correspondants. Il est guère surprenant si plusieurs années plus tard, Frédéric demande son succès aux éditeurs de Kehl de supprimer de leur édition ses lettres à Voltaire, écrites après la bataille de Colin. Peu après cette missive de Frédéric, en septembre 57, les deux protagonistes sont tout d'un coup en contact personnel direct. Encore en désespoir, Frédéric écrit à Richelieu, son ennemi, pour savoir si ses instructions lui permettaient d'entrer dans des négociations pour la paix. Il s'agit d'une bagatelle, monsieur, de faire la paix si on le veut bien. celui qui mérite des statues à Gênes, celui qui a conquis l'île de Minorque, celui qui est surtout le point et sur le point de subjuguer la Basse-Saxe, ne peut rien faire de plus glorieux que de travailler pour rendre la paix à l'Europe. Bien que Frédéric ne connaissait pas Richelieu personnellement, il savait évidemment et pertinemment que le maréchal-duc aimait la flatterie. Richelieu répond dans les mêmes termes de politesse, reconnaissant que Louis XV préférerait la paix aux victoires, mais ne pouvant rien faire pour y parvenir. Quelle part Voltaire avait-il dans cette démarche de Frédéric? Aucune trace évidente dans sa correspondance. Mais il ne serait pas surprenant si cette idée lui était venue à l'esprit, lorsqu'on songe que Frédéric aurait pris un grand risque en écrivant une telle lettre sans pouvoir compter sur une réponse amicale. Deux mois après, au mois de novembre, la célèbre victoire de Frédéric sur l'armée française à Rosbach changeait tout. Les louanges de Voltaire pour un Frédéric, devenu encore une fois son héros, montrent à quel point il aime s'identifier avec les vainqueurs. La postérité s'étonnera toujours, écrit Voltaire à Thiriot, qu'un électeur de Brandebourg, après une grande bataille perdue contre les Autrichiens, après la ruine totale de ses alliés, poursuivi en Prusse par 100 000 Russes vainqueurs, resserré par deux armées françaises qui pouvaient tomber sur lui à la fois, et pour résister à tout, conserver ses conquêtes et gagner une des plus mémorables batailles qu'on ait données dans ce siècle. Ce résumé des affaires, avec les mêmes applaudissements, se trouve au début du chapitre 31 du Précis. Dans cette même lettre à Thiriot, toutefois, Voltaire n'hésite pas à s'exprimer comment il sent l'humiliation de la France après Rosbach. Il ne fait pas bon à présent pour les Français dans les pays étrangers. On nous rit au nez comme si nous avions été les aides de camp de Monsieur de Soubise. Alors que fait le duc de Richelieu? Après sa campagne de 56, grâce aux intrigues de cour et aux indécisions ministérielles, il restait, à la grande déception de Voltaire, sans être nommé au commandement. Enfin, en juillet 57, il remplaça le maréchal d'Estrées comme commandant en chef de l'armée de Westphalie, confrontant les Hanovriens commandés par le duc de Cumberland, fils de Georges II d'Angleterre. Richelieu repoussa Cumberland jusqu'à l'embouchure du fleuve Elbe et le força à signer la convention de Closter-Zivon, très désavantageuse pour l'Angleterre, et occupa Hanovre. Parmi les lettres de Voltaire à Richelieu, un des aspects les plus curieux et attachants à la fois est de l'y voir poursuivre son intérêt pour les techniques militaires. Pendant son séjour à Berlin, Voltaire a pris connaissance des avantages de l'artillerie légère de Frédéric. Et il cherche à mettre Richelieu au courant des dernières innovations, au point qu'il lui parle comme un fort joli engin, ce qu'il a désigné lui-même une espèce de char armé pour servir sur les plaines d'Allemagne contre l'armée de Prusse. Voltaire en envoie l'esquisse au marquis d'Argenson et le persuade d'en faire un modèle. Il en parle à Richelieu pour la première fois en 56. Je voudrais que vous tuassiez force prussien avec mon petit secret. 6 mois plus tard, il annonce qu'un excellent officier lui a assuré qu'il n'y a que 50 canons tirés bien juste qui puissent empêcher le fait de ma petite drôlerie. Tout ça n'a rien donné. Il n'y en a aucune mention dans le précis. Mais Voltaire n'oublie pas sa contribution à la course aux armements du XVIIIe siècle. En 67, nous le voyons faire pression sur Catherine II pour utiliser ses chars armés contre les Turcs. Voltaire était presque obsédé par l'idée d'une bataille entre les armées de Frédéric et de Richelieu, et en particulier par la pensée de Richelieu, vainqueur du roi de Prusse. Voici par exemple ce qu'il écrit à Richelieu. « Je voudrais que vous commandassiez une armée et que Salomon, c'est-à-dire Frédéric, apprit par vous à commettre une nation qu'il ne connaît pas du tout. Et l'année suivante, après la défaite des Prussiens à Collines, et en dépit de tout ce qu'il venait d'écrire à Frédéric, il dit encore à Richelieu, « Je crois que le roi de Prusse se défendra jusqu'à la dernière extrémité. Je souhaite que vous le preniez prisonnier, et je le souhaite pour vous et pour lui, pour son bien et pour le vôtre. Son grand défaut est de n'avoir jamais rendu justice ni aux rois qui peuvent l'accabler, ni aux généraux qui peuvent le battre. » Il regardait tous les Français généraux comme marquis de comédie et se donnait le ridicule de les mépriser. Mes chers armés ou non, malheureusement pour Richelieu, pour diverses raisons, la convention de Castelsivan ne fut ratifiée ni par les ministres anglais, ni par ceux français. Cumberland fut rappelé en Angleterre par son père. Richelieu lui-même fut critiqué sévèrement pour avoir proposé à Cumberland des conditions trop légères. Il passa un hiver loin d'être glorieux. Ses griefs sur le manque de subsistance étaient continuels, mais pire, il permettait à ses troupes d'excéder les normes en temps de guerre dans les incursions et la déprédation dans le voisinage. En avril 58, il est rappelé lui-même en disgrâce, sa carrière militaire terminée. Et en même temps, le rapportage de la guerre en Allemagne dans le précis se termine subitement, sans explication. Les armées autrichiens, français, hanovriens, prussiens, saxons, répandus sur le champ de bataille comme un tapis de jeu abandonné. L'attitude de Voltaire est difficile à comprendre, à moins que son point de mire sur Richelieu lui fasse abandonner lui-même son récit des événements militaires une fois ce dernier sorti du tableau. La même perte d'intérêt après la bataille de Rosbach se trouve dans les mémoires. La correspondance de Voltaire avec Richelieu devient pauvre et ne concerne plus la guerre. Richelieu lui-même, toutefois, conforme à sa réputation de profiteur, n'hésitait pas à empocher les gains de son occupation de Hanovre pour faire construire à Paris le célèbre pavillon d'Hanovre, maintenant dans le parc de Sceaux. La correspondance de Voltaire avec Frédéric, par l'intermédiaire de Wilhelmine, cesse également avec la mort de celle-ci fin 1758. Après quelques mois, Frédéric reprend son habitude d'écrire à Voltaire dans des lettres moitié en vers, moitié en prose. Voltaire répond de même. Mais les échanges ne sont pas aisés. Frédéric, encore harcelé de toutes parts par ses ennemis, et dont les ressources en hommes et en argent s'épuisent, déchaîne sur Voltaire sa colère contre la France qu'il accuse de faire traîner les négociations pour la paix. Loin du champ d'action, confortablement installé dans son cabinet dans la Suisse enneigée, Voltaire semble se moquer de Frédéric. Il prend parti pour la France, il ravive l'ancien querelle au sujet de Maupertuis et de l'histoire de Dr. Acacia. Les lettres des deux côtés, après 58, sont vagues et les deux hommes cherchent querelle. Si Frédéric et Richelieu étaient des héros imparfaits, il arrive ailleurs que Voltaire transforme les victimes en héros. Entre la composition de la guerre de 41 et celle de la guerre de 700, l'affaire Calas a surgi, raffermissant Voltaire dans ses luttes pour les victimes de meurtres judiciaires. Intéressant encore une fois pour notre patchwork, en 1768, Il disait qu'il avait l'intention d'ajouter à la nouvelle édition du précis l'affaire Callas ainsi qu'en celle du chevalier de la part de la barre. Mais il ne le fit pas. Mes deux victimes ont une grande place dans ces cinq chapitres sur la guerre de 7 ans. D'abord un Anglais, l'amiral Byng, fusillé par ordre d'une cour martiale sous charge d'avoir abandonné l'île de Minorque en 56 en se retirant à Gibraltar avec ses vaisseaux qui n'étaient pas en mesure de battre ceux des Français. La bibliothèque de Voltaire est remplie de lettres de déposition et de pamphlets sur Byng. Et c'est de Byng lui-même que Voltaire tire la phrase pour encourager les autres qu'il immortalise dans Candide. There is no precedent of an admiral or a general officer in the army being shot, avait écrit Byng à un ami. They make a precedent of me, such as admirals hereafter may feel the effects of. Richelieu, dans le siège de Minorque, avait donné lieu à l'expédition de la flotte commandée par Byng, avait observé le combat naval du haut d'une colline. Et à l'instigation de Voltaire, il écrivit une lettre en défense de Byng que Voltaire fit parvenir aux autorités anglaises, sans que cela fît la moindre différence. Mais dans le précis, Voltaire en fait grand cas. En France, Byng avait son équivalent au terme de servir de bouc émissaire pour des problèmes plus profonds, dans le général Lally, envoyé à Pondichéry pour régler les affaires de la Compagnie des Indes et exécuté en 1766 pour avoir trahi les intérêts du roi, de l'État et de la Compagnie, c'est-à-dire pour avoir perdu la bataille de Vendivache et par conséquent de ne pouvoir prévenir la reddition de Pondichéry aux Anglais. Voltaire avait connu Lally, irlandais, jacobite, soldat mercenaire, à Paris pendant les années 40. Et il consacre le chapitre 34 du précis, ajouté en 68 à la demande d'un neveu de Lally, à ses déboires et aux affaires des Indes. Tout comme dans le cas de l'indolent Byng, Voltaire se lançait dans l'affaire du fougueux et imprudent Lally. Nous n'avons pas besoin de le suivre, seulement de faire remarquer que cette perspective sur Lally avait pour résultat d'ensevelir les aspects importants de la lutte franco-anglaise pour l'Inde, sous les disputes territoriales entre les chefs indiens qui faisaient la toile de fond des activités de Lally. Alors que fait de Voltaire de la guerre de 7 ans, tel qu'il l'a peint dans le précis, historien ou protagoniste? Et ces deux rôles sont-ils toujours incompatibles? Comme protagoniste, nous avons vu Voltaire, dans sa correspondance, s'intéresser aux campagnes de Frédéric et de Richelieu presque au point de vouloir s'en mêler. Il fait de même dans les procès de Byng et de Lally. En tant qu'historien, tout ce qu'il écrit dans le précis est vrai. Voltaire n'invente pas. Il n'exagère pas beaucoup, mais il ne rapporte pas tout et il cache une partie de la vérité. C'est à la fois le plus et le moins qu'on puisse dire. Nous avons déjà remarqué le mission de 4 années de guerre en Allemagne, plus importante, la mission presque totale du Canada. Le sentiment de Voltaire sur ces quelques arpents de neige est bien connu et ne lui appartenait pas en propre. En bref, le jeu pour conserver le Canada n'en valait pas la chandelle. En 1759, Voltaire allait jusque célébrer la capitulation de Québec avec des feux d'artifice à Ferney. Fin 58, Voltaire compose Candide. Début 59, Frédéric accuse réception d'un exemplaire sans commenter sur le roi des Bulgares modelé sur lui. Nous ne savons pas si Richelieu se reconnaît à son tour dans le personnage du comte Pococurante. Il ne peut pourtant qu'en s'adonnant au genre littéraire, Voltaire néglige plus tard son rôle d'historien. Comme nous l'avons vu, les grandes lignes de la guerre étaient campées en 64. En 1768, Voltaire aurait pu profiter de la nouvelle édition pour remplir les lacunes, pour réfléchir mûrement sur la guerre, surligner son caractère mondial et les conséquences pour les combattants. Mais dans l'ensemble, il ne le fait pas. Nous trouvons seulement quelques observations, corrections ou mises à jour. Le chapitre sur l'allée est un long et curieux passage sur la Russie. On lit ces cinq chapitres avec intérêt. Le rythme est fort, les personnages sont vifs, les passions de l'auteur d'autant plus vives. Nous sommes confrontés avec un Voltaire mi-historien, mi-protagoniste. La combinaison réussit, mais en part. Le récit du narrateur, en coupant court le tableau de l'Europe, en gonflant le rôle de Richelieu, en disant peu sur le Canada, trop sur l'Allée et ainsi de suite, n'offre pas une représentation fidèle de la guerre. On peut dire peut-être, dans une autre phrase célèbre, mais cette fois non de Voltaire, c'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre.